Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM. Le thème de ce soir est forcément en lien avec ce que j'ai fait ce week-end. En effet, je suis allée à la convention Cosplayin à Wesserlin. J'en ai profité pour faire pas mal d'interviews et ça, ce serait quand même bon de le noter. L'entrée au Cosplayin Wesserlin donne accès à la grande chaufferie, au jardin et au musée où il y a eu beaucoup de choses. J'ai pu faire énormément de choses. Je me suis amusée, j'ai visité l'exposition japonaise, j'ai visité l'exposition steampunk. Dans l'exposition japonaise, j'ai pu jouer à un jeu vidéo qui a mon âge, mais ça vous écouterez la musique à la fin. Et j'ai aussi pu essayer un kimono, je me suis amusée comme une petite folle. Enfin bref, mais le sujet n'est pas moi. Je suis allée rencontrer différents intervenants, différents des cosplayers et même des exposants dans cette convention, tout simplement. Et c'est une petite surprise pour vous, en fait. Avant l'interview qu'il va y avoir, j'ai mis une petite musique qui vous indiquera, peut-être, qui vous aidera à comprendre, qui est la personne que j'interviewe juste après. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et on se retrouve pour la conclusion. Parmi les nombreux stands qu'il y a, j'en ai déjà interviewé deux. Il y en a un autre qui m'avait déjà marqué il y a 2 ans avec des cosplays vraiment très impressionnants. Il s'agit du Black Hole Studio. Et puis j'ai Marie avec moi qui va en parler. Bonjour Marie. Bonjour. Alors dis-moi, on va peut-être déjà parler du nom. Je pense que le studio n'est pas très vieux. Alors pourquoi le nom Black Hole Studio ? Tout simplement parce qu'on aimait beaucoup les hiboux. Alors, c'est pas très original du coup, mais c'est venu de là tout simplement. Et il se trouve qu'on était 3, d'où le nom de studio. Et donc en fait, ce studio s'est spécialisé dans quoi ? Alors notre studio est spécialisé dans la fabrication de costumes et d'accessoires. Alors depuis 1 an, on est dans une couveuse entreprise, c'est-à-dire qu'on essaye de monter une entreprise autour du cosplay. Alors, du coup, maintenant, on est assez spécialisé dans la fabrication, surtout d'accessoires. Donc, on peut faire des kits, on fait des commissions. Donc, ça peut être des masques, des colliers, des armes qui servent à des cosplayers, mais également des objets plus de collection. Comme par exemple, le masque de Majora dans le jeu Zelda ou des mandragores d'Harry Potter. Oui, donc c'est après tout ce qui touche à la culture populaire et tout ce qui peut toucher au cosplay. Et on va peut-être parler de toi un petit peu. J'imagine que tu es... que tu es un petit peu passionnée par le cosplay. Oui, ça fait depuis 2012 que je pratique du cosplay. Alors, au départ, c'était une passion uniquement, vu que j'étais web designer dans une agence de communication. Donc ça n'a pas vraiment de rapport. Donc je fais, en gros, moi, mon boulot, c'était de faire des logos, de faire des plaquettes commerciales, ce genre de choses. Et le cosplay, en fait, c'est une activité manuelle et créative, qui me permettait justement de sortir un peu du cadre ordinateur, boulot, bureau, classique. J'ai envie de revenir un petit peu sur il y a 2 ans, parce qu'après tout, on dirait pas comme ça, mais il y a 2 ans, tu étais quand même en orque de World of Warcraft, il faut dire que t'en imposais avec toute cette armure. C'était lourd ce costume ? Alors, le costume en lui-même n'est pas forcément très lourd, puisqu'on utilise des thermoplastiques. Mais le bouclier, lui, avait une partie qui était fabriquée en bois, donc il pèse quand même au moins 4 kilos. Et dis-moi, ça t'a pris du temps pour faire ce costume-là ? Alors, le costume de l'officier champ de guerre avait pris à peu près 3 mois à être fabriquées. Mais en faisant ce qu'on appelle du rush, c'est-à-dire qu'on travaillait énormément. C'était 8 heures, 10 heures le dernier mois. C'était assez compliqué. Ah oui, c'est quand même assez conséquent. Et après, j'ai vu que tu as quand même été à beaucoup d'événements, beaucoup de conventions cosplay, beaucoup de... même, je crois, à l'ouverture ou à la sortie du film World of Warcraft. Enfin, il y a quand même eu un assez grand engouement autour de ton cosplay et peut-être même de ton studio. Oui, ce costume a permis de nous faire connaître. C'est-à-dire qu'on a gagné des concours avec. Et aussi, effectivement, on a été invité à l'avant-première mondiale du film Warcraft à Paris, donc au Grand Rex. Donc c'était un gros événement qui a été suivi à la télé. D'ailleurs, assez étonnant, à Vaisselin, il y a des gens qui sont venus me voir, me disent « Eh, mais je t'ai vu à la télé sur TF1, non? C'était toi ?» Ben oui, effectivement. C'était assez étonnant de voir les gens nous reconnaître, alors qu'au final, c'était juste un hobby. Oui, donc j'imagine que ce qu'il en ressort surtout de ton parcours, c'est qu'il est possible de faire de son hobby, de sa passion, son métier. Tu es, j'imagine, plus heureuse dans le Black Hole Studio? Oui, c'est sûr que ça offre un confort différent. Après, c'est énormément de boulot. Monter sa propre entreprise, forcément, on compte plus les heures. On travaille les week-ends. C'est vrai que ça laisse pas tellement place à autre chose à côté. Mais quand on fait quelque chose qui nous plaît, c'est forcément plus agréable à travailler. Oui. Et peut-être pour nos auditeurs, hein, y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à regarder. Je pense qu'on va peut-être leur transmettre la page Facebook et peut-être, je crois, Instagram aussi. Vous avez Instagram ? Alors, on a un site internet, donc blackholestudio.com, mais aussi donc une page Facebook donc, qui s'appelle pareil, Black Hole Studio, et un compte Instagram. Bah écoute, merci beaucoup Marie, et puis peut-être à une prochaine fois pour d'autres nouvelles. Bah merci, et bien à la prochaine du coup. J'ai encore attrapé un couple de cosplayers au vol d'une série de films très connue. J'ai en face de moi Angelica et Jack, mais pas n'importe quel Jack, vous allez comprendre, c'est Jack Sparrow. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai déjà vu ici il y a 2 ans, vous aviez les mêmes costumes et vous revoilà à nouveau cette année. Vous avez fait un concours, enfin vous avez concouru ou vous étiez juste là pour le fun? Non, bah cette année c'est plus pour le fun. Il y a 2 ans qu'on était venus, on était montés sur scène, on avait fait une danse, donc du coup en reprenant un peu comme dans le 4e film. Donc là, non, c'est plus vraiment pour voir comment ça évoluait, comme l'édition d'avant on n'y était pas, donc on n'a pas pu venir. Non, c'est vraiment pour juste pour le plaisir. J'ai rien à rajouter. Ok, c'est pas grave. J'ai tout dit. Et ça fait longtemps que vous aviez prévu, ce cosplay, comme c'est la 2e année que vous l'utilisez ici, j'imagine que vous l'aviez déjà utilisé ailleurs et avant. Enfin, c'est un cosplay qui a quel âge ? Oh, moi, il a un peu plus de 3 ans. Je fais en sorte d'essayer de me rapprocher le plus près possible du personnage de Jack Sparrow, mais vraiment avec le moindre détail. Dans la meilleure ressemblance du personnage, donc je me perfectionne là-dedans. Pour ma part, voilà, bon, à côté, je fais quelques autres petits cosplays pour le fun avec des amis, mais principalement, je me concentre dans ce personnage-là. Ah, faut quand même dire aux auditeurs que tu te balades avec une bouteille de rhum normalement, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah bah, j'ai pas été autorisé d'apporter la fameuse contrebande de rhum, donc on va dire que je suis passé à l'eau sans alcool, malheureusement. Ça me fait mal de dire ça. Et toi, Angelica, ça fait combien de temps que tu as fait ce cosplay-là? Enfin, tu l'as fait toi à main aussi, comme Jack, j'imagine. Bah justement, c'est lui qui fait plus les costumes. Moi, je suis plus armes et armure. Donc oui, ça fait 3 ans et demi, parce que j'ai commencé 4-3 mois après lui. Donc ouais, ta première version achetée à 3 ans et demi, ouais. Et cette version-là, plus récente, elle doit avoir 3 mois, 4 mois en entière, parce que tout a été fait en même temps, quasiment. Ah oui, en effet. Et qu'est-ce que je voulais lui dire? Et vous êtes allé à beaucoup de conventions avec ces costumes-là? Ouais, presque toutes les conventions. On essaie de caser un jour de duo avec ce costume-là et un jour où on met d'autres costumes en général. Et bah oui, comme Jack a dit, on a d'autres des plus petits. C'est quoi ces autres plus petits? Parce que j'ai compris, t'en as d'autres aussi. Et Jack, tu vas aussi nous dire quels sont les autres que tu as fait. J'ai eu Harley Quinn, que je mets plus. J'ai Nidalee de League of Legends, Anna de La Reine des Neiges. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Et Xayah, qui est en préparation, avec en duo aussi. Et toi, Jack? Moi, à part Jack, j'ai fait Miguel et Miguel Itulio de La Route de l'Eldorado, DreamWorks. Et voilà, c'est tout pour le moment. Oui, le Joker, j'ai fait une fois. Puis je prévois de faire d'autres personnages. Bon, pareil, en duo avec Rakan de League of Legends, avec Angelica, et pourquoi pas d'autres personnages comme Fallout, ou enfin d'autres plaisirs à faire avec d'autres des amis pour des groupes. Me diversifier un peu. Ah oui, et dites-moi globalement, les gens comprennent quand même qui vous êtes, enfin, toi je pense. Et toi, quand on te voit, on dit c'est Angelica? Ça dépend des gens, je dirais 80% reconnaissent et 20% ils ont du mal à... Parce que c'est pas un des films les plus connus, le quatrième, donc forcément, ils ont plus de mal. Et d'ailleurs, d'où est venue l'envie de faire Jack Sparrow et Angelica? Angelica, j'ai oublié son nom de famille dans le film. C'est à cause de lui. Voilà, oui, c'est plus moi qui m'ai lancé dedans. Au début, c'était pour une association de fêtes. C'était sur le thème Caraïbes. Et moi, j'avais envie, pour le coup, de faire un personnage où je pouvais vraiment m'amuser à imiter vraiment à fond le personnage dans ses mimiques. Donc, du coup, je suis parti sur Jack Sparrow. Les gens ont vraiment adoré. J'ai eu un super retour de ça. Du coup, j'ai décidé, si les gens ils aiment bien, ils disent que j'ai une bonne ressemblance avec le personnage, je vais approfondir le personnage et j'ai encore de meilleurs retours. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'insister dans le personnage et de travailler là-dedans, et de m'amuser. Ah ouais, c'est super. Et si... c'est une bonne chose. Et puis c'est aussi une bonne chose de faire des cosplays en couple, enfin en duo, parce que j'imagine que ça crée encore autre chose. Enfin, parce qu'avant, vous aviez déjà fait du cosplay tout seul? Non, moi non, en tout cas, parce que j'ai commencé à cause de lui, donc moi non. Oui, moi j'ai fait une ou deux petites conventions tout seul, puis après on s'est vite rejoint et puis on a décidé de faire vraiment presque à chaque convention, parce qu'on se concentre beaucoup là-dedans, de sortir à chaque fois en Jack, Angelica, Pirates des Caraïbes. Et justement, si on a peut-être envie de les voir, parce que c'est vrai que c'est dommage, les auditeurs peuvent pas les voir, mais vous avez peut-être une page Facebook? Bien sûr, donc pour moi c'est la page Captain Jack Chryslo. Donc sur cette page-là, ouais, je montre à peu près où est-ce que je vais, à gauche et à droite, je dis où est-ce que je suis. Enfin, on est beaucoup dans l'Est de la France et puis bon, un peu dans les grandes conventions. Et toi, Angelica, tu as une page à toi pour les cosplays? Oui, moi c'est Nelia Cosplay, N-E-L-Y-A. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup et puis j'espère qu'on se verra dans d'autres conventions. Merci à toi. Petite surprise, hein. Bon, ça je l'ai su avant de venir, mais il y a une exposante ici que je connais quand même un petit peu, hein. Sandrine de Sans Scholar Time, mais c'est un plaisir de te voir ici. Ah, le plaisir partagé, c'est... on se voit, voilà, partout. Ouais, on se croise un petit peu, mais c'est bien de voir, j'ai vu sur ta page Facebook, tu fais quand même beaucoup d'expositions et de conventions, hein. Je rappelle aux auditeurs que ta page Facebook c'est Sans Scholar Time, c'est ça? Création Sans Scholar Time. Et te voilà, ici, au cosplay Vesserlin. Mais ça fait longtemps que c'était prévu? Oh oui, quelques mois. Je crois que j'ai postulé en tout début d'année. Voilà, quand j'étais à Strasbourg, aussi un événement cosplay. Et bah oui, dis-moi, vu qu'on parle de cosplay, vu qu'après tout, c'est le thème de la convention, tu aimes bien le cosplay? Tu en fais? Non, c'est pas trop ma tasse de thé, j'avoue. Mais je trouve des costumes magnifiques, des mises en scène, enfin, c'est super sympa. Après, voilà, c'est pas mon univers personnel. Mais il n'empêche que tu es là, tu as fait d'autres stands pour des événements cosplay, tu en feras d'autres. Et la réception en fait de ton travail ici, ça va, elle est bien? Oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent déjà au steampunk, finalement, même dans le cosplay. Donc du coup, ils se retrouvent pas mal dans mes créations, ouais. Et dis-moi, je vois qu'il y a quand même un peu beaucoup de monde. Est-ce que tu as peut-être un coup de cœur ou un cosplay que tu as préféré? Ben, hier, j'ai vu une demoiselle. Alors, comme je ne suis pas une grande connaisseuse, elle est franchement magnifique. Un mélange de fées et de corbeaux, elle était vraiment super. Et ça ne te donne pas envie de te lancer? Non, pas assez à l'aise pour ça. Ah, pourtant, après tout, je suis certaine que les bijoux que tu fais, hein, qui sont vraiment tous splendides, auraient certainement leur place dans un cosplay, hein, steampunk, un peu dark et tout. Y en a qui se font. Y a moyen que ce soit intéressant. Et est-ce que t'as prévu d'être sur d'autres événements bientôt? Oui, le week-end prochain, ben, c'est encore un événement cosplay en Moselle, à Metz, c'est Metzori. Et puis après, ce sera le Bloody Weekend à côté de Montbéliard. Donc là, ça va être vraiment sympa comme tout. C'est cinéma fantastique, film d'horreur, on va voir de belles choses. Et d'ailleurs, dis-moi, est-ce qu'il y a une convention peut-être à laquelle tu as participé ou à laquelle tu rêverais de participer, qui est vraiment la convention de ta vie, quoi? En fait, j'en ai plusieurs, quoi. Là, j'en ai une qui me tient à cœur, c'est la convention tatouage d'Épinal qui va se tenir le week-end du 23 juin. Et là, j'ai vraiment hâte d'y aller parce qu'on va voir vraiment de super artistes. Et sinon, il y a tellement d'événements qui m'ont plu dans ce que j'ai fait que je ne saurais pas en choisir un voilà, en particulier là tout de suite. Bon, en tout cas, Sandrine, je ne sais pas si tu as autre chose à dire à nos auditeurs. Ben, je voulais conseiller aux gens de sortir et de participer à des événements comme ceux de ce week-end à Verserlin parce qu'il y a plein de choses à voir, des choses qu'on ne connaît pas forcément et vous pouvez vraiment tomber sous le charme. Voilà. Ben, écoute, je te remercie et puis c'est toujours Sans Scholar Time, ta page Facebook, ta page Instagram, là où on peut suivre ton actualité et voir tout ce que tu fais. En tout cas, j'étais très contente de te revoir là, hein. Ça fait plaisir et ça fait plaisir de t'avoir à nouveau à l'antenne. Moi aussi, c'était vraiment un plaisir, merci pour tout. Merci à toi, salut. J'ai attrapé au vol deux cosplayers, Cookie et Sayane, qui sont en personnage. Bon, y en a un forcément que j'ai reconnu parce que t'es en Link, hein, et un autre personnage de la licence Nintendo que j'arrive pas trop à identifier. Tu peux me dire qui c'est, Cookie, déjà? C'est Taria de Fire Emblem Awakening. Donc merci, puis bienvenue à vous deux, hein, bonjour après tout. Bonjour. Bonjour. Et vous, bah, on va peut-être un petit peu parler de, bah, du cosplay, depuis combien de temps vous en faites, et puis aussi pourquoi vous êtes costumés comme ça. Alors on va peut-être commencer par le début. Ça fait longtemps que vous faites du cosplay tous les deux? Oui, ça fait quelques années. J'ai commencé à faire du cosplay en 2012. Mais d'abord, c'était pas régulièrement, c'était occasionnellement lors de conventions. Et puis au fil du temps, j'ai vraiment apprécié le concept de créer ses propres costumes. C'est un art que je trouve très créatif. Et j'aime beaucoup la couture et c'est devenu au fil du temps une passion. Et depuis, j'en fais régulièrement. Chaque semaine, je fais toujours un peu de couture. Ah oui, et tu en as fait beaucoup des cosplays? Oui, j'en ai fait pas mal. Je pourrais pas dire exactement le nombre là, mais... je vais en avoir fait, je pense, une dizaine, oui, de faits main, voilà. Ah oui, et généralement, ils sont dans quel style? T'inquiète pas, Cookie, je t'oublie pas. Hein. Ça dépend, j'aime bien faire différents styles. Ça peut être des personnages de jeux vidéo, comme là maintenant, ou des personnages de manga, dans différents thèmes. J'ai pas vraiment de thème spécifique, j'aime bien un peu varier. Voilà. Et venons-en un peu à toi, Cookie. Ça fait combien de temps que tu fais du cosplay ? Pour ma part, ça fait 4 ans maintenant, 4 ans et demi. J'ai commencé en décembre 2013 dans une petite convention. Je ne connaissais pas du tout avant et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup rencontré pas mal d'amis là-dedans. C'est vrai que du coup, je me suis senti beaucoup mieux qu'ailleurs. Et pour l'effet main, je fais plus récemment du cosplay main maintenant. Avant, c'était plus de l'acheter sur les sites chinois. Mais après, pour moi, que ce soit du acheté ou fait main, tant qu'on représente bien le personnage, c'est l'important. Après, c'est vrai que les faire soi-même, ça apporte de la valeur, ça fait plaisir. Surtout quand on nous dit qu'il est super bien fait. Donc voilà. Après, bon, question couture, je suis encore débutant. Je suis meilleur, par exemple, pour tout ce qui est crafts, donc tout ce qui est... fabriquer des armes, des armures, peindre, etc. C'est beaucoup plus mon domaine déjà là-dedans. Parce qu'en fait, je vois, il y a une épée, un bouclier, les deux sont à toi. Oui, les deux sont à moi. Alors l'épée, c'était une épée achetée de base qu'on m'a donnée et je l'ai peinte et customisée à ma façon. Et mon bouclier, je l'ai fait main entièrement. Alors de base, c'était un bureau pour travailler, puis j'avais plus de place pour le mettre, du coup je savais pas quoi en faire et je me suis dit tiens, on va le prendre, on va prendre la planche, on va la découper, et puis j'en ai fait du coup un bouclier du coup pour Link. Ah oui, et puis je vois même au dos de ce bouclier une dédicace d'un youtubeur que en tout cas je connais, que j'aime bien, Link the Sun. Donc tu l'as rencontré, j'imagine, dans ce cosplay là Non, pas dans celui-là, dans un autre, parce que j'ai mon bouclier a eu deux vies, du coup. Le premier, c'est quand j'ai rencontré Link the Sun. C'est vrai que ça m'a fait super plaisir et surtout qu'il m'a complimenté pour ça. C'est vrai que sur le moment, moi qui étais petit cosplayer, ça m'a touché énormément. Donc voilà, et puis maintenant, je l'ai modifié de sorte à ce qu'on garde quand même cet autographe qui me tient à cœur, on va dire. Parce que c'est quand même un bon youtubeur que j'apprécie beaucoup. Et puis, ça m'a fait plaisir de le voir. Il est d'ailleurs très gentil. J'imagine. Et toi, Sayane, tu l'as rencontré, Link the Sun ? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne pourrais pas vraiment dire quel youtubeur j'ai rencontré. Parce que je regarde pas trop les... Oui, il se met à pleuvoir. Oui, désolée, j'ai été perturbée par la pluie. T'inquiète pas. On a changé d'endroit, on s'est fait surprendre par la pluie. Après tout, c'est les aléas, les aléas de la vie, tout simplement. On était en train de discuter avec toi, Sanae, sur les conventions et peut-être les personnes que tu aurais peut-être rencontrées. C'est vrai que je vais souvent aux conventions, mais c'est pas forcément pour rencontrer des personnes connues, c'est plus pour rencontrer des gens. C'est grâce aux conventions, j'ai pu me faire beaucoup d'amis dans la région et même plus loin, en France, en Suisse, en Belgique. Et donc c'est surtout ça que j'aime, aller en convention, rencontrer des gens, des cosplayers justement en cosplay. Je m'amuse beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, les cosplayers, c'est une communauté assez soudée. Donc tu m'as dit, tu as fait des rencontres, tu t'es fait beaucoup d'amis là-bas, c'est aussi ton cas, Cookie ? Oui, effectivement, oui, c'est une communauté qui est assez soudée. Après, bon, il y en a certains qui s'isolent un peu plus, mais pour la grande plupart, on s'entraide beaucoup. Et ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on se fait beaucoup d'amis, on rigole bien. Et puis voilà quoi, c'est vraiment des fois des rencontres formidables avec qui on n'aurait jamais pensé parler de base sans le faire, et du coup c'est vrai que c'est une opportunité de le faire du coup. D'ailleurs j'ai une dernière question avant même peut-être de donner vos pages Facebook, si les auditeurs ont peut-être envie de voir ce que vous faites ou si vous avez envie de les donner. S'il y a une personne qui hésite un peu à se lancer dans le cosplay, qu'est-ce que vous lui diriez? Bah, pour ceux qui sont comme moi, c'est vrai que d'un côté, je me disais, ouais, au début, c'est bizarre, les gens qui se costument comme ça. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas le faire? Puis, bah, ça est venu directement. Donc, franchement, faut pas hésiter. Si on a vraiment envie, on prend, même par exemple, pour un petit costume, on fait vite fait, on demande à maman ou papa de le faire. Et on se lance, franchement, même si c'est un peu placard, on va dire, avec des habits de tous les jours. Franchement, faut se lancer. Et puis, on évolue avec le temps. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Tu rejoins la même idée que Cookie? Oui, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que moi aussi, au début, j'ai beaucoup hésité, je n'osais pas, parce que je suis un peu timide, donc c'était pas forcément quelque chose que je pensais faire, mais j'ai suivi en fait des amies cosplayeuses. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi, je pourrais faire comme elles. Et bah, la première fois que j'ai porté un costume, bah, je l'avais acheté, tout simplement, et je me suis amusée et j'ai voulu essayer de faire moi-même. Et c'est une autre expérience, par contre. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, je dis, faut pas hésiter, mais d'un côté, faut aussi quand même réfléchir, se renseigner et tout, parce que le cosplay, c'est amusant, mais bon, ça demande aussi beaucoup de temps, si on le fait main, de l'argent aussi, pour les matériaux et tout. Donc, mais bon, l'important en fait, c'est que ça reste un plaisir, qu'on s'amuse. Voilà, faut le faire pour le plaisir, et c'est ça le principal. Voilà. Tu as raison. L'essentiel, c'est de s'amuser. Et si les auditeurs ont peut-être envie de voir vos créations, est-ce que vous avez une page Facebook ou une page Instagram dédiée? Oui, j'ai les deux. J'ai une page Facebook. Mon nom de page Facebook, c'est Sayane Cosplay. Et j'ai aussi un compte Instagram. C'est plus un compte personnel, mais je mets aussi mes photos de cosplay. C'est Sayane-Moon. Et toi, Cookie? Alors pour moi, du coup, c'est bah, la page cosplay. C'est, sur Facebook, c'est Cookie Cosplay. Et pour mon Instagram cosplay, du coup, c'est cookie.cosplay.skull. Et par contre, pour mon, parce que je suis aussi du coup photographe un peu, et du coup bah j'ai un compte Instagram aussi photo, qui est foxy.photo. Très bien. Bon bah, je vous remercie beaucoup pour votre contribution, et puis j'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour le prochain Cosplay Investorlin. Ouais, au revoir. J'espère pouvoir revenir. C'est la troisième année que je viens à Vaisselin et j'aime beaucoup cet endroit. Donc j'espère qu'on se croisera l'année prochaine avec plaisir. Les nombreux exposants qu'il y a au cosplay de Vaisselin, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de fabricants, de bijoutiers. Et puis j'ai réussi à en isoler une, Priscilla, alias KP Illustratrice. Alors bonjour Priscilla. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton univers et ton travail? Alors je me base surtout en fait sur tout ce qui est mythologie, donc que ça soit de tous les pays en général, hein. Il y a eu la Chine, il y a eu la Grèce surtout. Je fais surtout beaucoup de science-fiction et du fantastique. Voilà, donc c'est mon plus gros domaine de dessin. Et ensuite, ben, niveau inspiration, c'est les films, les jeux vidéo, les livres, enfin voilà, donc tout ce qui est autre art, si je puis dire. Donc voilà, donc je m'inspire de tout ça en même temps. Voilà. Et dis-moi le nom KP Illustratrice. Bon, illustratrice, je pense qu'on sait pourquoi, mais pourquoi KP? Bah, tout simplement parce que je m'appelle Cochère Priscilla, et K et P, voilà. Et dans ma famille, il y avait beaucoup de peintres, et généralement, eux, ils mettaient juste leurs initiales, et j'avais envie, en fait, de continuer cette petite lignée pour un petit clin d'œil à la famille, voilà, simplement. Donc, en fait, tu fais partie d'une famille d'artistes, c'est quand même assez, assez surprenant. Et dis-moi, là, l'illustration, c'est ton boulot à temps plein? Oui, je me suis mis à mon compte en décembre, voilà, décembre de l'année dernière. Et là, c'est mon métier, ouais, j'ai rien d'autre à côté. Et comme c'est ton métier, forcément, j'imagine que tu as eu une formation. C'est quoi ton parcours vis-à-vis du dessin ? Du dessin. Alors, à la base, j'ai commencé à dessiner tout simplement quand les tout premiers mangas sont arrivés en France, donc à recopier, je faisais de la reproduction. Et par la suite, j'ai continué un petit peu à évoluer, à continuer dans la lancée. Et ensuite, j'ai ma tante et mon oncle qui faisaient de la peinture, donc ça m'a plus intéressée d'évoluer, si je puis dire, de faire autre chose que de la reproduction. Et après, par la suite, j'ai eu mon style à moi. C'est venu tout seul, en fait. J'ai pas vraiment eu de formation de dessin, j'ai juste fait des études de sérigraphie. Voilà, la sérigraphie, c'est tout ce qui est impression sur textile, sur t-shirt, sur briquet, enfin tout ce que tu veux. Et t'as de l'aplat contre des objets, donc voilà. Mais malheureusement, j'ai pas fait vraiment d'école d'art, voilà. Il n'empêche quand même que tu es illustratrice, que c'est vraiment ton boulot. Mm-hmm. Et tu peux peut-être dire à nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'ils ne le voient pas trop, mais on leur donnera le lien de ta page Facebook, bien entendu. Merci. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, globalement, alors tu as dit un petit peu le thème de ton boulot, mais concrètement, c'est quoi ? Tu illustres des bouquins ? Tu fais juste des marque-pages ? Alors, c'est plus juste de l'illustration. Comme je dis, je fais une histoire en une illustration. Voilà. C'est vraiment juste de l'illustration pure. On m'a proposé de faire des livres, mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère me concentrer sur vraiment créer quelque chose d'un peu plus approfondi que faire des livres avec des dessins comme ça, quoi, voilà. Pour l'instant, je veux encore évoluer dans mon art avant de pouvoir faire des bouquins, voilà, pour être plus professionnelle, si je puis dire. Et dis-moi, alors moi je te connais un petit peu parce que j'ai déjà vu ta page Facebook, parce que je sais que tu as assisté à d'autres conventions, donc tu en as fait beaucoup ? Alors je crois, alors rien que pour cette année, j'en suis déjà à la quatrième. Voilà. Donc disons que j'essaie de regarder les prix, forcément, les prix des stands, parce que quand on est à notre compte, il faut aussi faire gaffe au budget. Je regarde aussi les lieux, parce que malheureusement, j'ai pas encore le permis, donc je peux pas bouger aussi facilement que je voudrais. Et après, je regarde aussi si ça correspond à mon univers. C'est sûr que si je vais dans un truc d'enfant, moi, avec les crânes, ça marchera pas, quoi. Voilà. Donc il faut que je regarde un petit peu, que je vois la situation pour m'inscrire au festival. Donc voilà. Et ici, t'es globalement, tu trouves ta place, j'imagine, au Cosplay Investorland. Oui, ici, alors, en sachant déjà que mon look, c'est déjà assez steampunk, et qu'ici, c'est rempli de steampunk, donc là, je suis dans mon élément. Et puis, comme je t'ai dit juste avant, je me suis inspirée des mangas pour commencer à dessiner. Donc même si je fais plus de mangas, ça se voit que dans mes dessins, il y a des petites connotations manga. Donc moi, je suis à ma place. Dès que du moment qu'il y a du manga, je trouve que je suis à ma place. Voilà. Après, c'est vrai que je le modifie à ma façon, et je trouve que c'est bien. Voilà. Et dis-moi, comme après tout, le cosplay, c'est des costumes. Déjà, tu en fais, toi, du cosplay ? Alors non, je ne fais pas de cosplay. J'adore ça, j'adore voir les gens. Je m'intéresse beaucoup à quand ils font leurs costumes. Je leur pose des questions parce que c'est vachement intéressant et je trouve que c'est aussi une forme d'art. Mais moi, personnellement, étant donné que j'aime pas trop les photos et que je ne suis pas très photogénique, alors je t'avouerai que je préfère éviter de me costumer pour pas qu'on me prenne en photo. Après, tout ce qui est vêtements steampunk, je t'avouerai que je m'habille comme ça généralement dans la vie de tous les jours. Donc je me sens plus à mon aise dans mes vêtements de tous les jours. Je passe inaperçue. Voilà. Donc en fait, limite, tes vêtements de tous les jours, c'est ce qu'on peut considérer presque comme du cosplay steampunk. Ouais, j'avoue. un petit peu beaucoup. Bon, après, j'ai aussi vachement un style dark. Ça, je peux pas le nier. J'adore les corsets. J'adore tout ce qui est victorien. Donc voilà. Donc je m'habille comme j'en ai envie, moi, et surtout comment mes dessins. J'avoue, j'ai beaucoup fait de vêtements que j'ai déjà mis sur mes dessins et tout ça. Donc ouais, je m'inspire beaucoup de mes vêtements. Ouais. Voilà. Et dis-moi la question que je pense je vais m'amuser à poser à un petit peu tout le monde, j'imagine. Est-ce que tu as déjà un coup de cœur parmi les nombreux cosplays que tu as vus ? Alors ici, le coup de cœur que j'ai eu, je ne sais pas si elle est là, c'est une femme en habit traditionnel japonais avec des ailes. Je ne le reconnais plus du tout, ce perso, il me dit quelque chose, il bouge la langue, mais je ne m'en souviens plus. Et sinon, il y a aussi deux cosplayeuses qui sont en Mortal Kombat. Voilà, et comme les jeux vidéo de combat, c'était mon dada quand j'étais plus jeune, avant de plus pouvoir jouer, donc voilà, maintenant je suis contente, je les ai vus. Donc oui, voilà, donc les deux Mortal Kombat et celle qui était en costume traditionnel japonais, voilà. Ah, bah c'est super, je te remercie. Hein. Je merci rappelle à nos auditeurs, ta page Facebook, c'est KP Illustratrice, tout simplement. KP, enfin voilà. Mm-hmm. Là où on verra tes nombreux dessins, là où les auditeurs pourront peut-être suivre ton actualité et voir de leurs propres yeux ce que tu fais, parce que bon, c'est quand même... Moi, j'ai bien aimé tes petites poupées vaudou. T'as une série de poupées de vaudou, oui, assez marrantes. Nouvelle. Oui, en fait, je l'ai créée ben, justement en décembre, quand j'ai créé mon entreprise. J'ai eu un déclic. Quand j'étais ado, justement en cours de sérigraphie, je faisais des petites poupées vaudou, mais vraiment très basiques, style poupée de chiffon. Et j'ai eu un déclic, j'adore le fanart, j'adore les poupées vaudou, pourquoi pas essayer, voilà. Et comme c'est aussi la mythologie du vaudou, ça reste une mythologie, je me suis dit, c'est en plein dans mon thème. Alors je vais faire du mignon, mais dans mon thème. Voilà, parce que moi et le mignon, c'est vrai que c'est très difficile. Voilà. Eh ben, on verra tout ça sur ta page Facebook. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis à bientôt, peut-être pour d'autres nouvelles, j'espère. Ah ben, avec grand plaisir. Une cosplayeuse, tu t'appelles Manon et t'as un cosplay que bon, j'aime beaucoup, bon, c'est pas difficile parce que j'aime tous les cosplays qu'il y a, mais t'es en personnage que je connais un petit peu, hein, t'es en Zelda dans Twilight Princess, tu l'as fait toi-même ce costume? Oui, entièrement à la main. Donc j'imagine que tout le côté tissu, bon, c'est machine à coudre, couture, mais les autres, je vois qu'il y a des parties plus épaisses, plus solides, c'est quoi tout ça? Alors l'armure, elle a été faite en tapis de sol, en lino et en plastiroc. Donc le plastiroc, c'est une matière qui va se durcir en fait avec le temps. Ça va permettre justement de créer donc la partie qui est là sur l'avant. Les épaulettes, c'est plus du tapis de sol pour donner la forme et un peu de lino pour former justement les différentes parties. Et dis-moi, ça fait longtemps que tu fais du cosplay ? 6 ans. Ah oui, quand même, donc t'en as fait beaucoup. C'est quoi les différents cosplays que tu as déjà créés ? Alors, donc le premier, c'est Zelda. Ensuite, j'ai fait Link. J'ai fait la Zelda de Hyrule Warriors. Ensuite, je suis partie sur Asuna et Kirito. Donc, j'ai façonné toutes les épées et tout ça. Et là, le dernier que j'ai fait, c'était la robe de Belle et la Bête. Donc, entièrement à la main parce que la machine à coudre avait lâché. Bah, c'est quand même, ça représente beaucoup de travail. Rien que pour ton costume, ça a représenté combien de temps? Alors, bon, celui-là, je l'ai fait sur un plus grand temps parce que j'ai dû trouver du tissu. J'avais pas les moyens pour réussir à réunir toutes les pièces. En tout, il m'a mis 4 ans. Mais si je devais concasser ça en plusieurs journées, je dirais 6 bons mois pour un début, pour vraiment être sûr de ne pas faire de conneries. Et après, pour les autres, c'était plus sur du 3 semaines, 3-4 semaines à peu près, ouais. Et dis-moi, avec ce costume, je sais que tu as fait au moins une autre convention, Strasbourg, je crois. Tu en as fait beaucoup d'autres? Alors, la toute première, c'était à Strasbourg aussi. C'était pour les 20 ans de Zelda. Donc je suis allée forcément dans cette robe pour représenter la princesse. Et j'en ai fait, je suis allée au Zénith aussi de Stras. Et Vesserlin, je l'ai fait déjà 2 fois. Et après, ouais, quelques petites conventions dans des petits patelins, mais rien de bien folichon. Et puis, comme tu l'as dit, hein, tu as fait tous tes costumes mains. Après, je vois que, quand même, il ressort que tu es très jeu héroïque, surtout Zelda. C'est vraiment une passion pour toi, l'univers de Zelda? Oui, j'ai la collection de tous les jeux. J'ai voulu acheter toutes les consoles pour pouvoir y jouer, mais ça représente beaucoup de place, donc je suis restée sur les dernières. Mais j'ai tous les jeux, toutes les figurines, tous les petits accessoires qu'on peut trouver à gauche et à droite, tout ce qui représente l'univers de Zelda. Ah oui, et tu as fait aussi d'autres costumes, vu que tu as dit tu as fait Zelda, tu as fait Link aussi. Donc tu as déjà fait du cosplay en couple? Oui, je l'ai fait avec mon copain. On a fait Kirito et Asuna. Donc j'ai eu du mal à mettre Asuna parce que je l'avais faite sur mon mannequin qui était en taille 32-34. Et vu que c'était un peu plus grand pour moi, ben, j'ai dû tout retravailler assez rapidement pour pouvoir justement le porter avec mon copain. On a fait aussi La Belle et la Bête pour justement avoir, avoir ce côté couple en fait réaliste. Et quand tu dis La Belle et la Bête, c'est le dessin animé ou le film qui est sorti plus récemment avec Emma Watson ? Dessin animé. Ah oui, donc La Belle Robe Jaune de Bal ? C'est ça. Et si un auditeur a peut-être envie, la curiosité de voir un petit peu tes créations, est-ce que tu as une page spécifique, une page Facebook où tu mets tes cosplays ou pas ? Alors, j'en ai pas de spécifique. C'est juste sur mon compte personnel où justement je mets quelques photos. J'ai une amie qui a fait un shooting, qui a retapé les photos, qui est là. Et justement, voilà, c'est juste, il y a peut-être une vingtaine de photos à tout casser, quoi. Mais c'est vraiment pas de... Je compte faire peut-être un compte pro plus tard, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Très bien. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Manon, d'avoir parlé dans nos micros. Et puis, à une prochaine fois, j'espère. À la prochaine. Je me trouve en face d'un autre stand qui a l'air plutôt sympa. Plein de bijoux avec, on dirait, des scarabées. Mais bon, faudrait peut-être dire avant tout à qui c'est le studio de Madens. Bonjour Madens. Bonjour. Alors, toi, tu fais des bijoux, c'est ça? Tu es artisan? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, mon tout premier métier, c'est tatoueuse. Mais en fait, c'est une activité que j'ai développée il y a 6 ans déjà, parce qu'avant d'être tatoueuse, j'étais donc bijoutière. J'ai fait des études en bijouterie qui m'ont beaucoup intéressée et j'ai décidé en fait de remettre au goût du jour les scarabées comme ça a été noté en effet. C'est une matière qui a été énormément utilisée en fait tout au long de notre histoire. Dans l'Antiquité, mais aussi en Égypte, en Mésopotamie, la civilisation maya également. Et donc du coup, c'est une matière qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée et que j'ai adoré travailler avec de la résine cristal également. Parce qu'on va en parler un peu de tes bijoux. Tu fais des boucles d'oreilles, je regarde un peu ton stand, hein, des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues, des broches. C'est en gros, c'est le plus important. Tu fais d'autres bijoux que je n'ai pas vraiment cités? Alors là, je fais tout ce qui a été cité. Ça m'arrive de faire des parures, donc en fait des ensembles. Je fais également des boutons de manchette pour les hommes. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. Des broches à cravate, à chapeau également, à la valière, des pinces à la valière. Ça m'arrive aussi de reprendre des pipes à fumer en fait anciennes qui ont été un petit peu abîmées par le temps et que je retravaille en fait, que je customise tout simplement. Ça m'arrive également tout simplement de prendre des accessoires que j'aime bien, des nœuds papillons, ce genre de choses et d'en faire en fait autre chose et d'apporter ma touche. Oui. Et d'ailleurs, comme on a parlé de scarabées, dis-moi, ce sont des vrais ? Alors, oui, alors c'est une question qui m'a énormément posée, c'est normal parce que c'est vrai que la matière saute un peu aux yeux. Alors oui, ce sont des vrais, mais en fait, c'est ce que je dis à tout le monde et ce qui est vrai, en fait, il n'y a plus le scarabée en lui-même dessous. En réalité, il n'y a plus que la carapace du scarabée. Nous, en fait, on enlève tout le reste parce que c'est la carapace qui nous intéresse. Concrètement parlant, il n'y en a aucun qui a été tué, hein, je vous rassure. On n'en tue aucun. On a vraiment un respect de la nature qui est vraiment très important. Nous, notre but, c'est vraiment de donner juste une deuxième vie à la matière qui reste, concrètement. Donc, on a des fournisseurs qui, en fait, ont des élevages à titre privé ou à titre personnel ou même à titre professionnel pour l'agriculture biologique, par exemple. Et régulièrement dans l'année, en fait, ils récupèrent tous ceux qui meurent naturellement. Donc voilà, c'est vraiment 100% respect. Ils les récupèrent, ils les nettoient, ils font tout le processus de naturalisation, c'est comme la taxidermie, tout simplement. Et donc après, ils nous les envoient. Donc nous, concrètement parlant, on n'a plus qu'après à les dégraisser, à faire un petit travail de nettoyage. Et après, on peut les poser en résine et faire tout le montage. Et ça tient après ? Ah oui, c'est extrêmement solide. L'avantage des espèces qu'on choisit, avec nos fournisseurs bien entendu, c'est qu'en fait ces espèces-là sont composées à 75% de carbone, de la matière minérale, des matières minérales, pardon, et de la kératine, ce qui compose nos cheveux, nos ongles. C'est extrêmement solide. Voilà, naturellement, on n'a vraiment rien besoin de mettre d'autre que la résine cristal pour scinder le bijou, mais le reste, en fait, n'a pas besoin d'être retouché. C'est extrêmement solide, ça ne se dégrade pas, ça ne pourrit pas, il n'y a pas de problème d'effritement, ce genre de choses. Et en plus de ça, on n'utilise aucune colle pour faire ce qu'on fait. Et ça, je pense aussi, on a parlé un peu de la matière. Et ça fait longtemps que tu fais ton activité en tant que Mad Hands ? Alors, en tant que Mad Hands, ça fait à peu près 6-7 ans que j'existe en tant que Mad Hands, à savoir que je suis passée au tout début de mon activité par beaucoup d'autres créations. Je n'étais pas directement sur le bijou. À la base, j'étais plutôt sur de la chapellerie, quelque chose qui m'intéressait énormément, pour laquelle j'avais envie de me faire former, mais j'avais tellement de passion qu'il a fallu choisir. Donc du coup, j'ai fini par choisir plutôt la bijouterie, quelque chose dans lequel j'avais vraiment envie de me lancer. Et donc du coup, je suis partie plutôt dans la bijouterie petit à petit. Au début, je n'étais pas du tout sur les scarabées, j'étais plutôt sur les matières minérales telles que les pierres. Là, j'étais plutôt en minéralogie. J'aimais beaucoup également les bijoux kawaii parce que c'est quelque chose qui m'intéressait un petit peu à l'époque. Mais très vite, j'ai commencé à me dire j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'original et qui sort de l'ordinaire. Et j'ai eu la chance de faire des cours d'histoire des arts de bijouterie, voilà, qui étaient vraiment dans la bijouterie en particulier. Et j'ai appris que les scarabées étaient fortement utilisés. Comme j'ai jamais eu peur des insectes et que c'est quelque chose qui m'attirait énormément, ça a été le déclic. Et comme on est à une convention cosplay, c'est quand même, je pense, une bonne chose de parler de ton costume, parce qu'après tout, tu es costumée. Pour nos éditeurs, c'est rigolo, tu as comme un chapeau de paille avec des fruits et des fleurs dessus, tu as une chemise ample et puis une jupe genre un peu patchwork ou enfin montgolfière un petit peu dans l'idée du motif. Qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, mon costume est un costume de plusieurs inspirations, un costume de première inspiration plutôt, alors ça va parler à beaucoup d'entre vous je pense, la petite maison dans la prairie. Ah bah oui. Voilà, on est typiquement dans la bonne mode. Voilà, c'est quelque chose, j'aime beaucoup leurs vêtements, j'aime beaucoup leurs costumes. C'était une période dans laquelle quand ils étaient en vêtements de dimanche, comme on dit, vraiment les vêtements, pas de tous les jours, hein, vraiment les vêtements d'apparat, c'était, voilà, pour moi c'était les vêtements typiques mignons, typiques beaux, qui mettaient vraiment la féminité en avant, une certaine forme de féminité bien sûr, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et j'avais vraiment envie de faire un costume en rapport avec cet univers-là. Après, j'aime beaucoup aussi l'univers kawaii, c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins attirée de loin. Par contre, quelque chose que j'aimais pas forcément dans l'univers kawaii, c'est que pour être officiel kawaii, il fallait malheureusement acheter ces vêtements à des marques bien spécifiques, quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Donc du coup, j'ai préféré en fait créer moi-même mon costume avec mes moyens. Faut savoir que j'ai été costumière. En fait, pendant que je faisais mes bijoux, etc., j'ai multiplié les activités. J'ai été costumière pour des compagnies de théâtre, pour des particuliers également. Et j'expose en ce moment même au musée de Wesserlin depuis 3 ans. 5 costumes à peu près, plus des chapeaux, plus certains colliers et bijoux. Donc ça fait 3 ans que j'expose dans leur musée, justement en costume. Ce qui ça m'est déjà donc régulièrement arrivé de créer des costumes comme ça, un petit peu originaux, sur plusieurs univers. Mais je suis toujours à peu près sur ce format là en fait. J'aime beaucoup ce format de la petite jupe avec le jupon. Après, je pars aussi un petit peu dans mes délires. Il y a une jupe par exemple que j'ai créée avec des tentacules ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'amuse. Mais voilà, le look de petite poupée, c'est quelque chose qui m'attire également. J'aime beaucoup parce que dans la vraie vie, je suis un petit peu grande gueule en fait. Je suis pas vraiment une poupée concrètement parlant dans la vie de tous les jours, donc c'est aussi pour moi l'occasion de revêtir un costume qui m'adoucit peut-être un peu. Quelque chose que j'aime bien. Et pour le chapeau, en effet, c'est ce qu'on appelle un chapeau capote, en fait. C'est un chapeau qui date alors de plusieurs périodes, parce qu'il est revenu à la mode, puis il a été démodé, puis il est revenu. Voilà, c'est un chapeau qui a été, qu'on voit énormément, voilà, dans la période de la petite maison à la prairie, 19e, même 18e, il y avait déjà ce genre de chapeau. C'est des chapeaux généralement qui étaient conçus pour les femmes, évidemment. Et là, je l'ai juste un petit peu fleuri, parce que mon inspiration première, c'était l'automne. Donc j'ai vraiment voulu faire la poupée un petit peu rapiécée, voilà, avec ces petits morceaux de tissu que j'ai mis un petit peu en patchwork, dans les tons automnales bien entendu. Et voilà, le chapeau a suivi. Ah oui, en effet, j'aime beaucoup. Et un auditeur ou une auditrice a peut-être envie de retrouver ta boutique au moins sur les réseaux sociaux, il faut qu'il passe par où ? Alors, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est Facebook. On va pas se mentir. C'est le lieu où je vais mettre un maximum de choses, en tout cas le maximum de nouvelles. Voilà, je mets un maximum de news sur Facebook. Donc, il suffit simplement de taper Madens, M-A-D-H-A-N-D-S. Tout simplement, ça veut dire main folle, en fait. Voilà, donc vous tapez ça sur Facebook et normalement, vous allez trouver deux pages. Alors, il y en a une qui est réservée à mes tatous, mais vous verrez, c'est Madens Tatou, tout simplement. Et l'autre, c'est Madens tout court, en fait. C'est la page réservée à toutes mes autres création plastique. Ah bah écoute, merci beaucoup Madens et puis au plaisir. Merci à toi Lou. Deux participants du Cosplay Investerlin. J'ai en face de moi Mickaël qui est manifestement photographe, c'est ça? C'est ça, oui. Et Joris? Non, Joris. Et toi, tu es costumé. Déjà, tu fais partie du studio Black Hole que j'ai eu tout à l'heure. Mais là, toi, tu es costumé en Majora de la licence Zelda, c'est bien ça? C'est ça. Plus précisément, Skull Kid. Ah oui, le Skull Kid. Avec son masque de Majora. D'où t'es venue l'envie de te costumer comme ça? Ah, j'ai toujours adoré le masque de Majora dans le jeu Majora. Du coup, j'ai un peu hésité, puis finalement, je me suis dit, allez, quand même, il me plaît bien. Et en fin de compte, je voulais d'abord faire juste le masque, et puis l'idée est venue qu'on allait faire le costume complet, quoi. Ah oui. Du coup, voilà. Ça a demandé beaucoup de temps pour le faire ? Ouais, ça a pris un mois, un peu plus d'un mois, quand même. Rien que le masque a pris quand même 2 semaines, voire peut-être même 3. Ah oui, donc c'est le plus gros du travail. Lui, il est ouais, magnifique déjà. Bien. Il est quoi ? Il a l'air d'être en bois, mais si je ne me trompe pas, Black Hole fait beaucoup de résine, c'est ça ? C'est exact, tout à fait. Donc on aime bien mettre un petit effet bois toujours pour donner un aspect réaliste à nos créations. Et voilà, on trouve que ça fait vraiment une touche de détail en plus, quoi. Et bon, comme tu as dit, tu aimes bien la licence Zelda. Majora's Mask, c'est ton préféré ? Ouais, de loin. Sur quelle console ? Nintendo 64. Et 3DS. Ah oui ? Eh oui. Et dis-moi, déjà tu fais partie du Black Hole Studio, donc on peut voir les cosplays là. Mais est-ce que tu as une page cosplay rien qu'à toi ? Non, on fait tout ensemble. On a démarré comme ça et on fait tout en groupe. Et oui, donc je pense que c'est déjà les questions que j'ai à te poser pour l'instant, mais je me dirige un petit peu vers le photographe que j'ai juste à côté de moi. Donc toi, tu fais pas partie du Black Hole Studio, si j'ai bien compris ? Non, c'est ça. Et tu es là en tant que quoi ? Tu es professionnel, amateur, passionné ? Amateur et passionné, des deux univers, autant photographique que cosplay, plus cosplay d'ailleurs. Et c'est exactement la question que j'allais te poser, donc tu fais du cosplay ? Je fais un peu de cosplay. Je débute actuellement, mais j'en ai fait quelques-uns. Et c'était quoi les thèmes des cosplays que tu as fait ? Il y en a un que j'ai fait, c'était plus principalement pour une soirée, donc c'était pas vraiment professionnel, c'était le Joker. Un peu adaptation de ma sauce. Et sinon, c'était Jack de Jack and Daxter. Ah, sympa ! Sympa. Et donc là, tu as fait les deux journées, vu que je le rappelle, hein, le Cosplay Investerlin, c'était dimanche et lundi. Donc... t'as été toute la journée, enfin les deux journées, t'as pris beaucoup de photos ? J'étais qu'aujourd'hui en fait, vu qu'hier j'ai pas eu la possibilité, mais sinon j'ai pris quelques photos, oui effectivement, principalement des cosplays en général et de Joris qui est là du coup. Alors bon, c'est la question qui fâche peut-être un peu, mais t'as un coup de cœur dans le lot, dans la journée que tu as fait ? À proprement parler, je peux pas dire que j'ai vraiment de coup de cœur, parce que quand je vois tous les costumes, c'est vraiment énormément de boulot. Et du coup, l'ensemble des costumes me plaisent énormément. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai de coup de cœur, en soi. Et dis-moi, vu que tu dis que tu es passionné de photographie, est-ce que tu as une page Facebook pour les auditeurs qui ont peut-être envie d'aller faire un tour et voir ce que tu fais ? Plus personnel que professionnel, en soi. Ok. donc on va peut-être pas la communiquer vu qu'une page perso, non. Ça reste une page perso. Mais en tout cas, j'ai été très contente de faire votre rencontre à tous les deux. Je sais pas si vous avez une dernière chose à dire à nos auditeurs. Ben, merci d'avoir écouté. Et puis, rendez-vous sur la page de Black Hole. Exactement, oui. Allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, il y a de belles choses à voir, donc profitez-en. Ce sera avec plaisir et merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Vesserlin avec Luc Bailly, c'est comme ça que ça se prononce, hein? Tout à fait. Tu travailles à National Geographic, on s'est déjà rencontrés pour le vernissage de l'exposition photo parce que tu exposes ici et tu es à nouveau ici pour prendre des cosplayers en photo, j'imagine. Oui, tout à fait, je suis ici en fin de compte pour le parc de Vesserlin. Comme je travaille pour le National Geographic et comme cette année c'est spécial sur le Japon, j'en profite pour prendre quelques cosplayers qui a un engouement aujourd'hui énorme. Et aujourd'hui, le mot cosplay est intégré dans le dictionnaire français depuis janvier 2018. Dis donc, ça c'est une nouveauté, merci de me l'apprendre, j'étais pas au courant. Et tu m'as dit, donc tu travailles pour National Geographic, tu es à Washington, c'est ça? C'est-à-dire, moi je travaille pour le National Geographic basé à Washington, qui est la maison mère, qui concentre un peu tous les National Geographic dans le monde, qui est plus de 130 pays. Et le magazine est à peu près diffusé dans entre 60 et 70 pays, qui vont du nord au sud, voilà. C'est un très très gros magazine, mais je me plains pas, c'est vraiment un très beau magazine. Et en fait, toi, au sein de ce magazine, ton travail, ça consiste en quoi? En fin de compte, moi je fais les reportages que National Geographic veut traiter. C'est tout ce qui est surtout culturel dans un pays ou artisanal, ou tout ce qui est faune et flore beaucoup, hein, tout ce qui est paysage et animalier. Et tout ce qui est artisanal, comme au Japon, ça peut être au Pérou, ça peut être au Canada, aux États-Unis, ou les Inuits, où il y a de la sculpture sur os que j'ai fait au Groenland, comme ça peut être en Australie, un reportage sur les dingos, les chiens sauvages en Australie, où j'ai fait Nouvelle-Zélande sur les Maoris, la tribu, où j'ai fait les marquises avec les tatoueurs originaux, enfin authentiques, comme dans le temps, comme ça peut être du street art à New York. T'en as fait des choses, t'as quand même baroudé beaucoup à travers le monde, mais qu'est-ce qui t'amène chez nous en Alsace? Je suis originaire d'Alsace, je vis en Alsace quand même un petit peu, enfin je vis entre tous mes voyages dans le monde. Naturellement, j'ai un logement à Washington, naturellement, je suis quand même basé aux États-Unis, mais j'ai quand même mes racines qui restent alsaciennes et j'y tiens beaucoup parce que bon, c'est une très belle région et j'ai toute ma famille qui est ici, quoi. Voilà. Tu nous as aussi parlé du Japon parce que tu travailles beaucoup avec le Japon et l'ambassade du Japon. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous dire comment les Français, même peut-être ceux de l'Est, donc Alsaciens et Vosgiens, parce que bon, après tout, hein, on est presque du même coin, comment nous on est perçus au Japon? Alors la France, en fin de compte, la France est très bien représentée au Japon, surtout l'Alsace. Aujourd'hui, il y a un engouement énorme des Japonais envers, surtout sur l'Alsace, sur tout ce qui est basé, Colmar, Kaisersberg, des villages un peu vraiment typiquement alsaciens, Riquewihr, Mulhouse un petit peu moins, Strasbourg beaucoup. Bon, et après, il y a les marchés de Noël qui sont très... Après, ce qu'ils aiment bien les Japonais, c'est un petit peu la rigueur, un petit peu alsacienne, qui représente un peu la rigueur qui est chez eux, encore multipliée par 4 ou 5 par rapport à chez nous. Et c'est vrai qu'ils ont un grand engouement pour l'Alsace. Ouais. Et c'est vrai que je travaille pour la presse japonaise, étant donné que je suis assermenté par l'ambassade et le consulat du Japon en France, et l'office du tourisme, je vais entre 5 à 10 fois par an, je vais au Japon, parce qu'en fin de compte, je représente, on n'a plus le droit de dire l'Alsace, on dit le Grand Est, mais je resterai toujours alsacien, et je représente en fin de compte tout ce qui est événementiel en Alsace pour le Japon. Ouais. Et quand tu parles d'événementiel, donc là on est pour une convention cosplay, tu vas, j'imagine, beaucoup de conventions, d'ailleurs je pense qu'on va en parler, mais si j'ai bien compris, il y a même plusieurs personnes ici que tu connais qui font plusieurs conventions, mais il y a quels autres événements que tu vas voir et que tu vas représenter? En fin de compte, moi je représente tout ce qui est l'Alsace, donc la foire au vin de Colmar qui est connue, la foire européenne de Strasbourg. Après je vais encore dans tout ce qui est artisanal, comme l'écomusée de Ungersheim, ou alors dans un petit restaurant où rencontrer des gens, l'artisanat, la culture, comme un arboricole ou ce genre de métier, où vraiment il faut que ça reste... Les Japonais, ils aiment bien tout cet esprit artisanal et culturel, ils sont très très... très très impressionné par tout ce qui se passe en Alsace. Ouais. Et comme on en a parlé juste avant, hein, parce que c'est vrai que les questions se rejoignent un petit peu toutes, tu fais beaucoup aussi de conventions cosplay. Tu en fais combien à l'année environ, si tu arrives à faire une estimation ? Alors les conventions sont impressionnantes, ça va de l'Angleterre, comme en Angleterre, en Allemagne, je vais en Suisse, en France naturellement, Japan Expo, Comic Con un petit peu dans le monde, je fais Canada, je fais les États-Unis et l'Australie, où la gestion des cosplays est gérée par un Français, où ses parents sont des Français, sont installés en Australie, et c'est eux qui gèrent tous les cosplays en Australie, qui est basé à Melbourne, il s'appelle Monsieur Nouvel An. Enfin bref, et le cosplay le plus impressionnant au monde, c'est le WCS, c'est-à-dire World Cosplay Summit à Nagoya, qui se passe toujours le premier week-end du mois d'août. Et franchement, là, c'est vraiment énorme. C'est plus d'un million de spectateurs, c'est vraiment phénoménal. Et il y a des moyens considérables dans tout ce qui est le monde du cosplay. Naturellement, le Japon, c'est vraiment le berceau du cosplay, quoi. Et ce serait quand même un petit peu bien de parler de la perception du cosplay ici en France. Est-ce que tu peux nous dire si ça commence à avoir un engouement plus important chez nous, et puis s'il y a de plus en plus de costumes impressionnants, même qui arrivent au niveau de ceux qui est à Nagoya? Alors je vais vous dire, aujourd'hui je trouve qu'un engouement français a un engouement spécial sur le Japon. Tout ce qui est japonais est vraiment une culture qui est intéressée par la France, qu'elle soit culturelle ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a un engouement beaucoup pour tout ce qui est manga, les magazines. Je crois que le plus grand lecteur au monde, je crois que le premier c'est le Japon, le deuxième c'est déjà la France, en termes de vente de BD et manga. Et alors donc suite à ça, après il y a aussi les films, tout ce qui est les gros blockbusters américains, Marvel, les DC Comics. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde veut un peu représenter un peu tous ces personnages. Et c'est vrai que là, c'est qu'ils veulent un peu se déguiser et représenter un peu leur personnage préféré. C'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement. Moi, je me rends compte avec les années qui passent que beaucoup, beaucoup de gens se transforment. Et c'est un pur plaisir, hein, c'est pour leur plaisir personnel. Moi, j'ai été au Japon, j'ai rencontré des cosplayers qui sont peut-être habillés en simple Pikachu ou en Link ou quoi que ce soit. Et derrière leur masque ou derrière leur costume, ça peut être des juristes comme d'un avocat ou même un grand chirurgien, cardiologue. C'est vraiment, vraiment... C'est tellement varié, ces personnes. Et c'est toujours plaisant de les rencontrer et de discuter avec eux. J'imagine, est-ce que tu as peut-être un meilleur souvenir ou un cosplay que tu as trouvé vraiment impressionnant ? Après, c'est deux mondes différents. Il y a le côté obscur, tout ce qui est Dark Vador. Après, il y a tout ce qui est un petit peu plus japonais. Le plus connu, c'est Hatsune Miku, grande chanteuse Vocaloid. Et aujourd'hui, qu'on fait des concerts en images de synthèse et virtuelles, qui va bientôt être diffusé à Paris. Il y aura un concert virtuel à Paris. Il me semble, si c'est pas à l'Accor Arena, je sais plus les dates, mais c'est à prouver. Et oui, après, non, j'ai pas de... Après, ça reste toujours Pikachu, voilà. Les Pokémon sont quand même là. Je sais moi, pas je suis pas un grand spécialiste de tout ça, mais moi j'aime bien. Moi, je viens du monde animal et paysage. Hein. Moi, je découvre un peu tout ce monde de cosplay, manga, un peu cet esprit. Bon, je suis quand même dans le monde du Japon. Hein. Je suis obligé de le traiter. Mais franchement, ouais, moi j'aime bien, franchement, ouais, moi c'est vraiment plaisant. Et moi ça me fait plaisir de voir des gens qui prennent vraiment leur plaisir à se déguiser et de rentrer un peu dans un monde de manga, ouais. J'aime bien. Donc toi avec ton regard de photographe, parce qu'après tout c'est un petit peu, c'est ton boulot même après tout, je résume un petit peu, oui, ça t'amuse de voir tous ces gens qui se costument, et aussi le fait que tous ces personnages rentrent aussi d'une certaine manière dans la culture populaire, parce que longtemps la culture du jeu de vidéo était un petit peu à part. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, le jeu vidéo ne se cache plus. Aujourd'hui, il est vraiment ancré dans tous les foyers. Aujourd'hui, qui ne joue pas une console de jeu, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, quelle qu'il soit. Et c'est suite à ça qu'il y a beaucoup d'engouement sur tout ce qui est cosplay. Moi, j'ai juste une parenthèse à dire sur le parc de Wesserlin. Moi qui fais beaucoup de conventions dans le monde, d'Australie jusqu'au Canada, jusqu'à où que ce soit dans le monde, moi, je parlais du parc de Wesserlin parce que c'est vraiment un lieu. Venez au parc de Wesserlin pour faire vraiment de belles photos de cosplay. Ici, c'est vraiment le lieu idyllique pour faire un environnement, que ce soit dans les jardins ou la grande chaufferie avec ses tuyauteries vraiment industrielles un peu. C'est urbex, comme on dit. Ouais. Franchement, ouais. Venez au parc de Wesserlin, vous ferez vraiment, vraiment de belles rencontres et de belles photos. Ouais. Je peux conseiller que ça. Et ce sera aussi l'endroit, je le rappelle, hein, de voir aussi des photos à toi, vu que tu as exposé pour la déambulation photographique. Comme ça, voilà, les auditeurs pourront mettre aussi une voix sur un objectif photo. Je pense que ce sera déjà beaucoup. Et puis, je vous rappelle, hein, j'ai fait une émission sur les déambulations photographiques qui est trouvable sur notre page Facebook. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter à nos auditeurs. Oui, venez au parc de Wesserlin. Franchement, c'est top. Franchement, dans un beau cadre et de belles choses à voir. Un jardin magnifique qui est entretenu et par des gens vraiment, vraiment passionnés par leur métier. Et ils ont fait un jardin. Vraiment, c'est un jardin spécifique au Japon. Donc, il y a deux japonaises qui sont venues, une de Paris et une du Japon, qui ont exprès fait un peu une structure, un jardin zen spécifique du Japon. Et ils ont été invités, ils ont construit ça. Et c'est vraiment, vraiment beau à voir. Bah très bien, je te remercie beaucoup Luc et puis à bientôt j'espère pour d'autres aventures. Au plaisir à moi et surtout venu au parc de Wesserlin. Merci. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette série d'interviews vous a plu. En tout cas, moi, je me suis amusée comme une petite folle. Et pour ceux qui ne savent pas, après tout, le jeu auquel j'ai joué plutôt jeune, hein, il s'agit de Secret of Mana. Comme ça, vous savez à quel jeu vidéo ce thème se rapporte. En tout cas, j'étais très contente et je remercie encore une fois hein, tous les participants, tous les exposants et le personnel, les personnes qui travaillent au jardin de Wesserlin pour leur accueil, pour leur gentillesse. Hein. Sans eux, on n'arriverait pas à faire d'aussi belles interviews et j'espère qu'on se retrouvera l'an prochain pour la prochaine convention tout simplement. Et avant qu'on se dise au revoir, je fais comme d'habitude le programme de la soirée. Alors on retrouvera à 20h Michel pour son émission La Parole est à vous. À 22h, ce sera Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Et demain, ce sera la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant, suivie de Comme on sera mercredi demain, la chronique d'Amadou, pardon, on refait la Coupe du Monde. Très bien, bon écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain, même heure, avec un festival de métal, le Ouch Extreme Fest Festival. Donc on se retrouve demain, passez une bonne soirée et rendez-vous demain, même heure, sur Radio Gamozo.